Mago fait du XS. Sur elle, je fais une fixette. Maman sur ses petites fesses. Ronde comme si elle faisait du fitness. Mais t'inquiète, j'ai mon business. J'suis avec celle que je voulais. C'est ma partenaire dans la rail. Avec elle, j'suis plus mature. Avec elle, j'corrige mes ratures. J'suis chiffré dans la nature. Oh baby, man. C'est pour toi que j'en peins. À midi, j'rêve de billets. À minuit, j'rêve de T1. Tu fais galerie quand t'es saoul. Tu fais galerie quand tu me saoules. Quand je vois ton sourire sur tes joues. Je veux de toi tous les jours. Mago fait du XS. Sur elle, j'fais une fixette. Maman sur ses petites fesses. Ronde comme si elle faisait du fitness. Mais t'inquiète, j'ai mon business. Pour toi, j'ai fait ce que j'ai pu. Mon cœur était au fond du puits. J'suis en kiff sur son cul. J'suis en kiff sur son cul. Baby, baby, baby, danse. Mais de la distance. De toute évidence. C'est celle à qui j'pense. Oh, baby, baby, man. C'est pour toi que j'en pense. À midi, j'rêve de billes. Et à minuit, j'rêve de tes uns. Baby, baby, yes. C'est toi qui l'es complexe. À midi, j'rêve de billes. Et à minuit, j'rêve de tes fesses. Mago fait du XS. Sur elle, j'fais une fixette. Maman sur ses petites fesses. Ronde comme si elle faisait du fitness. Mais t'inquiète, j'ai mon business. Rejoins-moi en vitesse. Avec toi, moins de tristesse. T'as comme toutes ces petites fesses. Avec toi, j'suis dans l'ivresse. Toi, oh, baby, ma tigresse. Yes, oh, mon bijou. On s'est pas vu depuis genre 10 jours. Fais-moi juste un bisou. Fais-moi juste un bisou. Rien que son regard me hante. Elle est trop vraie pour que je lui mente. On vit la vie, on fait l'amour. Je lui mets profond pour que je lui manque. Mago fait du XS. Sur elle, j'fais une fixette. Maman sur ses petites fesses. Ronde comme si elle faisait du fitness.